Chapitre 6. Ce soir-là, Wenaël s'attarda sur la terrasse, dans la fraîcheur embaumée de la nuit. La lueur d'une lune voilée s'étendait autour de lui, glissait le long des gradins fleuris, enveloppait d'une brume pâle l'horizon invisible. Tout souffle d'air s'était calmé. On n'entendait pas un froissement de feuilles, pas un frôlement d'insectes sur le sol ou sur la pierre. À l'autre extrémité de la terrasse, une forme féminine se montra, sortant de la maison. Elle se tint debout, un peu penchée. À la sveltesse de sa taille, à la grâce de son attitude, Wenaël reconnut Annonciade. Il attendit un moment, puis, voyant qu'elle ne bougeait pas, il se leva et s'avança lentement. Sur le sol d'allée, son pas glissait presque sans bruit. Annonciade ne l'entendit que lorsqu'il fut à quelques mètres d'elle. En un mouvement de surprise et d'effroi, elle se recula. Wenaël demanda avec douceur « Vous ai-je fait peur ?»« Non, mais je ne vous avais pas entendu venir. » Sa voix était basse, hésitante, un peu enrouée. Wenaël s'avança encore. Il vit au bord des paupières une larme qui glissait. « Vous pleurez, Annonciade ?» Elle ne répondit pas, mais ses lèvres tremblèrent et la larme tomba le long de la joue. Il se pencha et son visage se trouva si près de celui d'Annonciade qu'elle sentit sur son front le souffle de sa bouche. « Est-ce encore à cause de moi ?» Elle laissa passer un long silence avant de murmurer « Oui !» Un peu de brise, où flottait l'arôme balsamique des pins, effleura le visage rougissant, souleva un instant les cheveux bruns. Des feuilles remuèrent, se frôlèrent, des branches promenèrent leur ombre pendant quelques secondes dans la pâle clarté de la lune. « Quel enfant vous êtes, Annonciade !» La voix de Wenaël restait douce, presque émue. Il se sentait un peu attendri devant la jeunesse candide, la pure beauté de cet enfant et devant la souffrance dont il était l'auteur. Mais il lui fallait aussi reconnaître qu'il existait en lui, à son égard, quelque chose d'un peu plus profond qu'il ne l'eût voulu. Oui, un coup de passion pour cette jolie Annonciade. Mais il s'interdisait de le lui avouer. Il ne voulait plus continuer de la troubler, de jouer avec son amour. Demain, il quitterait la Bastide. Pour elle et pour lui, ce serait mieux. Elle souffrirait un peu, puis elle l'oublierait. Il étendit sa main et prit celle de la jeune fille. « Voyons, soyez raisonnable. Je pars demain, rappelé inopinément en Bretagne, mais j'espère revenir. En tout cas, je conserverai le plus doux souvenir de mon séjour ici. » Il s'interrompit. La main souple se glaçait entre ses doigts, le sang disparaissait du visage d'Annonciade. Les paupières s'abaissèrent sur les yeux où Wenaël venait de discerner la plus douloureuse détresse. Alors, en un instant, toutes ses résolutions précédentes furent balayées. Son bras se leva, entoura les épaules frissonnantes. « Je reviendrai, Annonciade. Oui, bientôt, je vous le promets, car moi aussi, je vous aime. » Elle s'écarta d'un mouvement de jeune biche effarouchée. Le sang revenait à son front, à ses joues. Un instant, le regard humide de pleurs s'éclaira, comme sous l'afflux d'une joie profonde. Puis, aussitôt, l'angoisse reparut, plus violente. « Vous n'avez pas le droit !» Sa voix s'étranglait dans sa gorge, mais elle se raidissait pour regarder Wenaël avec une fierté mêlée d'effroi. « Comment je n'ai pas le droit ?» Il souriait, en attachant sur elle un regard de tendresse un peu ironique. Cette clarté lunaire donnait à sa beauté un charme de mystère. Maintenant, elle essayait de cacher dans l'ombre de ses cils les yeux que cherchaient ardemment ceux de Wenaël. « Mais si, nous pouvons parfaitement nous aimer. Pour vous, je resterai quelques jours de plus. » Comme elle était jolie ce soir, sa tremblante petite Annonciade, il en devenait un peu fou, lui qui n'avait jamais permis à une passion de l'émouvoir autrement qu'à la surface. « Non, il ne faut pas !» Des intonations douloureuses passaient dans la voix assourdie. Annonciade s'appuyait à la murette qui, de ce côté, fermait la terrasse. Des jasmins étoilaient de blanc la verdure dans laquelle disparaissait la pierre croulante. Le blanc visage palpitait dans la nuit claire et les yeux devenaient plus profonds avec des ombres d'angoisse qui en augmentaient la beauté. « Vous le savez, Annonciade, je suis un païen. J'ai mes divinités, l'art, la lumière, l'harmonie des formes et des couleurs. Je les résume en un seul mot, la beauté. Or, en ce moment, la beauté, c'est vous. » Il se pencha un peu plus en murmurant avec ivresse « C'est vous que j'adore, Annonciade !» Elle sursauta, son buste se redressa et sa main s'étendit en un geste de protestation indignée. « Monsieur, vous ne devez pas dire cela, ces mots, ce blasphème !» Elle s'écartait en parlant, elle se rapprochait de la porte-fenêtre ouverte sur le petit salon faiblement éclairé par un reflet de lune. Wenaël ne bougea pas. Il continuait d'attacher sur elle ses yeux ardemment volontaires et il songeait « Je la veux. Sa conscience, ses scrupules d'enfant pieuse, je les vaincrai. Qu'est-ce que cela si elle m'aime? Et ce sera vraiment délicieux, vraiment nouveau, l'amour d'Annonciade. » Dans le silence de la nuit, sa voix murmura, avec une douceur très tendre « Ne vous effrayez pas, Annonciade. Je ne veux nullement insulter à vos croyances, mais tel est bien le sentiment que vous m'inspirez. » Il se rapprocha, s'inclina, et, de nouveau, son visage se trouva tout près de celui de la jeune fille. « Je vous aime, ma belle petite Annonciade. Je ne vous laisserai pas m'échapper. D'ailleurs, vous n'en avez pas envie, j'en suis sûre. » Un grand frisson la secoua. Pendant quelques secondes, une joie enivrante l'étourdit sous le regard d'impérieuse passion. Puis tout sombra dans une sorte de terreur. Fermant les yeux, elle jeta vers Dieu un appel éperdu. Quand elle releva les paupières, M. de Pendelon rencontra un regard douloureux, mais résolu. « Je ne puis vous écouter davantage !» Elle recula jusque dans l'intérieur de la pièce. Sous le pâle reflet de la lune, son jeune visage apparaissait, blême et tendu par l'angoisse. Elle regarda Wenaël pendant quelques secondes. Sa souffrance, son amour très pur et la force surnaturelle de son âme, il les vit dans ses yeux qu'il aimait, qu'il avait connus confiants et gais comme ceux d'une enfant, et qui étaient en ce moment ceux d'une femme blessée au plus profond du cœur. Elle dit très bas « Adieu !» Et elle se détourna, elle disparut dans la pièce voisine. Wenaël ne fit pas un geste pour la retenir. Il demeura immobile, regardant toujours vers cette salle déserte. Sa physionomie se faisait impassible et il n'eut même pas un tressaillement quand M. Labarède se montra, sortant de la pièce où avait disparu Annonciade. Agité, nerveux, l'aïeul balbutia « Monsieur, monsieur, comment vous êtes-vous permis ?» Wenaël le toisa avec hauteur, en ripostant ironiquement. « Prenez-vous-en plutôt à votre imprudence. Votre petite fille est trop charmante pour que je ne me sois pas intéressé à elle. Je viens d'avoir un moment de folie. Exprimez-lui en mes regrets. Comme je pars demain, elle ne me verra plus et m'oubliera très vite. » Il inclina légèrement la tête et s'éloigna. M. Labarède écouta son pas ferme qui résonnait sur les dalles et qui s'assourdit en atteignant la terre battue formant le sol de la terrasse devant le pavillon. Levant les bras dans un geste de désolation, le vieillard murmura « Un jeune homme si bien, si lettré, qui semblait si sérieux. Ma pauvre petite fille, elle l'aime, le misérable voleur de cœur. Elle l'aime. Ah, quel malheur !» Dans sa chambre, Annonciade pleurait. Par la fenêtre ouverte, le doux parfum des pinèdes arrivait jusqu'à elle et le souffle de la nuit fraîche caressait les cheveux, le front brûlant, les joues humides de toutes ces larmes qui glissaient des paupières closes. Elle joignait les mains sur sa poitrine comme pour comprimer cette souffrance qui lui déchirait le cœur, tandis qu'elle pensait « Il va partir, je ne le verrai plus, c'est fini, fini !» La porte fut doucement entr'ouverte et la voix assourdie de M. Labarède demanda « Puis-je entrer, ma petite fille ?»« Oui, grand-père !» Il vint jusqu'au fauteuil où se trouvait assise Annonciade. Elle se redressa et il vit le visage rougi par les larmes, les yeux pleins de fièvre et de douleur. Alors il se pencha, prit les mains moites qui tremblaient. « Ah, ma petite, ma chérie, l'aimais-tu donc tant que cela ?» Elle ne répondit pas, mais appuya sa joue contre les mains de l'aïeul en étouffant un sanglot. Il attira une chaise à lui et s'assit en entourant de ses bras les épaules d'Annonciade. « Il faut l'oublier, ma pauvre mignonne. C'est un de ces jeunes gens riches et oisifs qui se croient tout permis et s'amusent avec de pauvres petits cœurs innocents comme le tien. Oublie-le, mon enfant, et pardonne à ton grand-père d'avoir été si imprudent. Mais il m'avait ensorcelé aussi. Ah, quand ta pauvre grand-mère va savoir !» Une voix basse et brisée répliqua « Il ne faut pas qu'elle le sache maintenant, grand-père. Elle est déjà si fatiguée. On lui dira qu'il a été appelé en Bretagne par télégramme. » « Oui, tu as raison. » Pendant un long moment, ils restèrent silencieux. Annonciade ne pleurait plus, mais elle tremblait un peu dans les bras de l'aïeul. Il mit un baiser sur le jeune front en murmurant d'un ton de prière « Tu l'oublieras, dis, tu l'oublieras !» Elle répondit tout bas « J'essaierai, grand-père !»